إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيا أيها الإخوة نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوتي لنذكر بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ونستفيد وينفعنا الله بها نسأل الله هذا donc on doit Allah de cette union et cette assise dans une de ses maisons pour rappeler certaines ayats et certains hadiths qui sont al-wahy, ce qu'Allah Azzawajal a révélé et a ordonné de suivre, en disant ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Suivez ce qui a été révélé sur vous de la part de votre Seigneur et ne suivez en dehors de ça pas d'alliés et vous vous rappelez que très peu. وقال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى et il ne parle pas par passion mais ce n'est qu'une révélation inspirée c'est-à-dire le kitab et la sunna فنحمد الله وجاء في موطأ مالك حديث قدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى قال وجبت محبتي للمتزاورين فيا للمتحابين فيا المتزاورين فيا والمتبادلين فيا والمتواصلين فيا. Allah عز وجل dit dans ce hadith qudsi que mon amour est promis, est obligatoire à ceux qui s'aiment en moi, ceux qui se visitent en moi, ceux qui font des efforts c'est-à-dire dans les actes d'adoration et d'obéissance en moi et ceux qui sont liés en moi. Fanahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ad-dhikr dhikr kalamillah wa kalam rasulihi sallallahu alayhi wa sallam hada yanfa'u al-muslim lianna al-muslim yanfa'u al-dhikr kama qala Allah azza wa jal wa dhakir fa inna al-dhikra tanfa'u al-mu'minin les rappels car le rappel profite aux croyants wa qala subhanahu wa ta'ala فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Il rappelle, si le rappel profite, celui qui craint se rappellera, c'est-à-dire ça lui profitera à celui qui craint Allah Azza wa Jal. فالله سبحانه وتعالى كذلك نذكر آية من آيات الله العظيمة وقوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. N'est-il pas temps pour ceux qui croient que leur cœur craigne pour au rappel d'Allah, c'est-à-dire lorsqu'ils entendent le rappel d'Allah, donc comme nous l'a dit Soufiane, que c'est pas seulement le tasbih ou le tahlil ou le tahmid ou le takbir, mais tout rappel du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, c'est dhikrullah. N'est-il pas temps que les cœurs de ceux qui croient s'humilient au rappel d'Allah et qu'ils ne soient pas semblables à ceux qui ont reçu le livre avant eux, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui ont trouvé le temps long et leurs cœurs se sont endurcis et beaucoup d'entre eux sont des pervers. فهذه الآية نحن أحق بها من الصحابة رضوان الله عليهم فهم خير هذه الأمة. Donc cette aya qui a été révélée donc à l'époque du prophète sallam sur le prophète sallam pour les sahaba, nous on est plus en droit qu'elle s'applique sur nous et donc que on craigne Allah azza wa jalla lorsqu'on entend le rappel et que ça nous touche dans les cœurs. والله المستعان فهذا ينفع المسلم وليس كما يظن بعض الناس ان هذا تصوف او شيء كذا بل يعني البكاء لله عز وجل من العبادات العظيمه c'est pas comme certains pensent que c'est de comme les soufis ou quoi mais pleurer pour Allah عز وجل c'est parmi les meilleures adorations كما جاء في الحديث في الصحيح ان من الذين يذلهم الله يوم لا ذل الا ذله رجل بكى خاليا من خشية الله. Donc comme dans le hadith d'Abu Huraira dans les deux sahih, que le jour où Allah il y aura pas d'ombre autre que celle d'Allah, c'est-à-dire celle du trône, ou celle qu'Allah créera, c'est-à-dire le jour du jugement, il y aura sept groupes de personnes qui auront l'ombre et parmi elles un homme qui a pleuré seul par crainte d'Allah, subhanahu wa taala. وكان من الصحابة من يبكي في الصف ولا يعرف صاحبه ولا يعرف صاحبه أنه يبكي ويبكي الصحابي وزوجته في السرير لا تعرف أنه يبكي. Et parmi les Sahaba, il y en avait qui pleuraient dans le rang sans que ceux qui sont à côté de lui le sachent, sans qu'ils se fassent entendre. Ou un homme pleurait dans son lit et sa femme ne se rendait pas compte. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. او الله Seigneur, toi qui possèdes la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'enlèves de qui tu veux, tu élèves qui tu veux et tu avilis qui tu veux. Dans ta main est le bien et tu es capable de toute chose, tu es sur toute chose capable. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعز من شاء ويذل من شاء. Donc Allah, il élève et il humilie qui veut. وقال سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Donc Allah عز وجل dit dans cette ayah, et celui qui veut la izza, c'est-à-dire la gloire, la puissance, la grandeur, alors qu'il sache que la gloire est entièrement à Allah. Vers lui monte la bonne parole et l'acte pieux. Donc Allah عز وجل parmi ses attributs qu'il est élevé. Il est au-dessus de toute création. Et ça, c'est parmi les preuves. Et ceux qui rusent des mauvais actes, ils auront un châtiment douloureux et la ruse de cela est vouée à l'échec. فالله عز وجل جعل لهما أسبابا للمسلمين المؤمنين الذين يخشون وهذه الأسباب هي عزة في الحقيقة وليس كما يظن كثير من الناس أن العزة بالمال أو بالجاه أو بكذا وكذا بل الله عز وجل يعز وله العزة جميعا. Donc Allah عز وجل a mis des causes pour cette élévation et cette grandeur dans la vie et dans l'autre pour les croyants et c'est pas comme beaucoup d'ignorants pensent que l'élévation, c'est par exemple celui qui a de l'argent ou celui qui est important, qui est connu, etc. Ça ne sert à rien. Et la grandeur est à Allah entièrement. Et c'est lui qui élève qui il veut. وقال سبحانه وتعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فلله العزة جميعا. Ceux qui prennent les mécréants en alliés en dehors des croyants, est-ce qu'ils espèrent de la Izzah, est-ce qu'ils espèrent la grandeur d'eux, mais la grandeur est entièrement à Allah. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الآية العظيمة. وكذلك كان المنافقون يظنون أن العزة لهم وأنهم المعزون. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Donc les hypocrites, ils pensaient qu'ils avaient la grandeur, ils étaient leurrés par eux-mêmes, le diable leur a fait oublier leur véritable statut, et ils étaient leurrés par eux-mêmes et ils pensaient avoir la Izzah. Et Allah Azzawajal a rat sur eux avec cette ayah de Surat al-Munafiqin. Ils disent, si nous revenons à Al-Medina, le plus fort des deux, le plus fort, on fera sortir le plus humilié, le plus avili. C'est-à-dire, ils voulaient par Al-A'az, le plus fort, le plus puissant, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites. Et le plus avili, Nabi Yuna, sallallahu alayhi wa sallam, Allah musta'an. Et ça, chez les gens du faux, c'est souvent c'est ce qu'on appelle taqlib al-haqa'iq, c'est-à-dire que les réalités sont inversées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'A'az, ils l'en ont fait le Adal. Et leur tête qui est à l'adal, ils en ont fait à l'a'az. Wallahu musta'an. Allah Azzawajal dit ensuite Walillahi l'izza. Et à Allah appartient la force, la puissance. Ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne savent pas. Donc, al-izza lillah Azzawajal wal qahar wal ghalaba. Qu'il impose, il domine. Et sur son messager, la Izza, la puissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azzawajal a fait dominer sa religion sur toutes les religions. Et pour les croyants, c'est que Allah Azzawajal les secourt et leur donne cette puissance au-dessus des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète wala yahzunka qawluhum inna al-izzata lillahi jami'a huwa as-sami'u al-'alim. Et que ne t'attriste pas leurs paroles. À Allah est entièrement la puissance et la gloire, et c'est lui l'entendeur et le savant. Fa Allah Azza wa Jal radda alayhim wa a'azza hadhi al-umma bi hadha ad-din al-hanif. Din Ibrahim alayhi salatu wa salam. Fa qala ma kana Ibrahim yahudiyan wa la nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, c'est-à-dire voué à Allah, qui se tourne vers Allah seul et qui s'écarte de toute autre adoration que Allah. Et il était musulman, c'est-à-dire soumis à Allah, et il n'était pas parmi les associateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de cette umma, Inna awla an-nas bi Ibrahim lalladhina ittaba'u wa hadha an-nabi walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Les gens les plus en droit de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi ainsi que ce prophète, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont cru, c'est-à-dire nous. Et Allah est l'allié des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ. Et qui s'écartera de la religion d'Ibrahim sauf celui qui a voué son âme dans la sottise. C'est-à-dire, si vous vous réclamez d'Ibrahim, adorez Allah Azzawajal comme lui, il adorait. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Lorsque son Seigneur lui dit, soumets-toi, Aslim. Vous voyez, c'est à l'islam, qui est la religion de tous les prophètes. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et Ibrahim, là, légua cette parole à ses fils ainsi que Yaqub en disant « Mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, donc ne mourrez qu'en étant soumis. » Allah Azzawajal dit « Inna dina indallahi l'islam » La religion auprès d'Allah c'est l'islam. « Wa yaqul subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra l'islami dinan falan yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin » Et celui qui désire une autre religion que l'islam, ça ne sera pas agréé de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. فَهَذَا لَيْسَ بِخِيَرَ الْبَشَرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ اِخْتَارَ لَنَا الدِّينِ فَلَا يَجُزْ لِيَحَدْ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَشَّرَعْ وَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَدُونَ بِهِ لَكَنَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Et s'ils avaient fait ce qui leur a été enjoint, ça aurait été meilleur pour eux et plus ferme pour leur foi. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. Et nous leur aurions à leur donner de notre part une énorme récompense. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Et nous les aurions guidés vers un chemin droit. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Et ceux qui obéissent à Allah et au messager, alors ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, parmi les prophètes et les véridiques, les martyrs et les pieux, et quel bon compagnon que cela. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Ça, c'est le mérite d'Allah, et Allah mérite comme connaisseur. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يُعِزُّ بِهَذَا الدِّينِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبْتَغِي الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ. وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc Allah a promis à ceux qui croient, qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur donnera la succession sur terre comme il l'a donné à ceux d'avant eux. Et il leur affirmera, il donnera la suprématie et la prédominance à la religion qu'il a choisie pour eux, et il transformera leur peur en sérénité et sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien, et celui qui m'écroit après ça, alors ceux-là sont les perdants. « وَهَذَا حَصَلْ قَدْ حَصَلْ فِي الْفُتُحَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَفِي زَمَانِ السَّلَافِ خيل القرون زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فقد فتحوا الأمصار وكانت لهم العزة والرفعة وملأ الله جزيرة العرب توحيدا ودينا فهدم الشرك وهدم الأوثان ففرح بذلك المؤمنون وكره ذلك المشركون ولكن العاقبة للمتقين. Donc ça a eu lieu par les futuhat islamiyya, c'est-à-dire les ouvertures lorsque l'islam s'est propagé à l'époque des sahaba et autres. Et Allah Azza wa Jal leur a donné la prédominance sur terre de Al-Andalus, ce qui est l'Espagne actuelle, jusqu'à la Chine et l'Inde. Et la terre a été remplie de tawhid, d'adoration d'Allah Azza wa Jal seul, et les idoles ont été détruites et la religion a été Allah. Et le califat était énorme. Donc Allah Azza wa Jal a promis ça. Et ça arrive par l'obéissance à Allah Azza wa Jal et le fait d'appliquer sa religion. وقال سبحانه وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, ceux qui ont mécru ont désespéré de votre religion, c'est-à-dire que vous sortiez de votre religion. Ils ont désespéré que les sahaba, ils abandonnent l'islam. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et terminé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Wa fi sahih Muslim min hadith al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ammi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Il a dit, Al-Abbas dans Muslim, que le prophète sallam, il a entendu dire qu'il a certes goûté la douceur, le bon goût de la foi, celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad صلى الله عليه وسلم comme messager. Et Al-Hakim, أخرج Al-Hakim في المستدرك بسند صحيح الحكيمي. Il a rapporté dans le Mustadrak par une chaîne authentique على أثر المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. هذا كلام مهم جدا، انتبهوا هذا القول العظيم، هذا ينبغي أن يعلم الأولاد، هذا القول لعمر بن الخطاب الفاروق. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما عزنا الله به أذلنا الله. Nous étions le plus avili des peuples. C'est-à-dire les Arabes. Nous étions le plus avili des peuples. Et Allah nous a élevés par l'islam. Donc si nous recherchions l'élévation et la grandeur par autre que ce avec quoi Allah nous a élevés, c'est-à-dire l'islam, Allah nous avilira. Et il y a une histoire sur ce hadith, c'est qu'il était avec, il est parti au Sham avec Abu Ubaida ibn Jarrah, Amin Hadil Ummah. Le digne de confiance de cette Ummah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le Moubacharim du Jannah, parmi ceux à qui le paradis a été promis. Et il était sur sa chamelle, Omar, donc à l'époque de son califat, ou Amir al-Mu'minin, ou Awal Mansoumiya bi Amir al-Mu'minin, Man Nukribabi. Donc ça a été le premier qui a été appelé Amir al-Mu'minin, Omar al-Khattab. Et il est descendu de sa chamelle à un point d'eau, il a enlevé ses khouf, donc les chaussettes de cuir. Il les a mis autour de son cou et il a pris sa chamelle, il l'a abreuvée. Et Abu Ubaida, il a dit, tu fais ça? Il dit, Wallah, je ne voudrais pas que les gens te voient. Omar, radiyallahu anhu, lui a dit, لو كان ذا غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit, si ça avait été un autre que toi qui me dit ça, j'en aurais fait un exemple. Je l'aurais châtié, j'aurais fait un exemple pour la Ummah de Mohammed. Et après, il a dit donc cette parole que nous étions le plus avili des peuples et Allah nous a élevés par l'islam. C'est-à-dire, ça, ces choses-là, ce n'est pas des causes d'élévation, mais c'est l'islam qui élève. Ama, que l'homme, et c'est Amir al-Mu'minin, il abreuve sa chamelle. Nahnu Bachar, on est des êtres humains. Au Nabi Sassalam, kana yarkab al-Himar. Le prophète Sassalam, il allait sur un âne. Il se mettait sur un âne. Alors que les rois, à cette époque, ils se mettaient sur un âne. Ils se mettaient sur un cheval ou sur un, pour les Arabes, un chameau. Ils se mettaient sur un âne. Fa hada al-kibr, yani manfi lil muslim. Comme vous le savez, le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin darratin min kibr. Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome de d'orgueil. Wallahu musta'an. Fa kullu hadha bi ittiba' al-islam wa qad ja'a li an-na' yani al-mukhalafa wa kathir al-adilla fi hadha an ibn Umar fi sunan Abi Daud bi sanad hasan qad akhrajahu al-Sha'mubil rahimahullah fi al-Jami' al-Sahih an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa ju'ila ad-dillatu was-saghar 'ala man khalafa amr. Le prophète Hassan, il a dit, donc, dans ce hadith d'Abu Daoud, qui est Hassan, l'humiliation et l'avilissement sont promis à celui qui s'oppose à mon ordre. Wallah Azza wa Jal yaqul fi kitab al-Aziz, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, à l'ordre du prophète Hassan, que ne les atteigne une fitna ou les atteigne un châtiment douloureux. Et la fitna, c'est al-shirk ou al-bid'a ou al-nifaq. La fitna ici, c'est soit la mécréance, soit l'hypocrisie, soit la bid'a. Wallahu musta'an. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Est-ce que le messager vous donne, prenez-le, est-ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et dans le hadith muttafaqan alayh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma amartukum bihi fa'alu minhu ma istata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu. Donc ce que je vous ordonne, faites-le autant que vous pouvez. Et ce que je vous interdis, abstenez-vous-en. C'est-à-dire l'interdit en islam, c'est interdit directement. Et quant aux ordres, c'est la différence entre les ordres et les interdits. Les ordres, c'est suivant la capacité. Comme par exemple la salah, celui qui ne peut pas prier debout, il prie assis, etc. Ama une chose haram, comme le khamr, l'alcool, on ne dit pas tu bois moins demain et après-demain tu bois moins. Non, on dit tu dois délaisser complètement, directement. Wallahu musta'an. Fa hadi السبب الرئيسي والأصلي والأصيل في أسباب الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة هو التمسك بالإسلام، ومنها الإيمان. يقول الله عز وجل: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فلهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Et celui qui vient à lui, à Allah Azza wa Jal, Yom al-Qiyamah, en étant croyant et qui a fait les bonnes œuvres, alors il aura les degrés élevés des jardins d'Éden sous lesquels coulent des ruisseaux en y demeurant éternellement. Et ça, c'est la récompense de celui qui s'est purifié. وَجَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءُونَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءُونَ الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب للتفاضل بينهم. Les gens du paradis, dans ce hadith dans les deux sahih, d'après Abi Sa'id, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens du paradis se verront les étages supérieurs comme ils voient l'étoile qui passe dans le ciel, qui passe rapidement dans le ciel, de par la différence qu'il y a entre eux dans les niveaux. Par rapport à leurs actes et leur foi. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ وَهَذِهِ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Ils dirent, les sahaba, وَهَذَا إِذًا شَيْءٌ مُهِمٌّ أَنَّ السَّحَابَ إِذَا كَانُوا يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَكَلَامَ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَدَبَّرُونَ كَمَا ذَكَرَ سُفْيَانُ وَيَعْنِي يَفْهَمُونَ وَيُرِيدُونَ يَعْنِي يُطَبِّقُونَ هَذَا الْعِلْمَ. Lorsque les sahaba, ils entendaient le hadith ou kalam Allah ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient comprendre et ils interrogeaient lorsqu'il y avait un problème. Et c'est pas, ils entendaient un hadith et c'était rien pour eux. Comme j'ai cité avant sur la « N'est-il pas temps que vos cœurs soient humbles au rappel d'Allah ?» Donc là, ils ont demandé, quand ils ont entendu ça, ils ont dit ça, c'est les degrés des prophètes que nul autre qu'eux n'atteindra. C'est-à-dire ceux qui seront en haut, ce sera les prophètes. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Il a dit: mais non, par celui qui a mon âme dans sa main. وهذا الحلف إذا كان الأمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالأمر المهم ليس كزمننا يعني يحلف بعض الناس ليلا نهارا لكل شيء. Le prophète Hassan, lorsqu'il jurait, c'était pour une chose importante. C'est pas comme maintenant, les gens, beaucoup de gens, ils jurent pour rien. Donc il a dit: mais non, par celui qui tient mon âme dans sa main, donc il jure par Allah, Zawajal, il n'est pas permis de jurer par autre qu'Allah. Ce sont des hommes qui ont cru en Allah et qui ont apporté foi aux messagers. Donc ceux-là, ils pourront atteindre ces degrés élevés. Par leur foi, Allah, Zawajal, les élèvera dans cette vie et dans l'autre. ومن أسباب الرفعة والعزة العبادة عموما وخاصة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في سوقه وبيته 25 درجة أو ضعفا. La salade de l'homme en groupe est meilleure que sa salade dans sa maison ou dans son commerce de 25 degrés. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. Ceci car lorsqu'il fait le wudu et le fait bien, ثم خرج إلى الصلاة لا يخرج إلى الصلاة. Puis il sort à la salah sans que rien d'autre que la salah le fasse sortir. C'est pas pour voir quelqu'un quoi, c'est pour la salah. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. Il ne fait pas un pas sans que ça l'élève d'un degré et que ne lui soit effacé un péché par ce pas, juste un pas. Hatta yadkhul al-masjid, jusqu'à rentrer au masjid. Fa idha salla lam yazal al-malaika lam tazal al-malaika tusalli alayhi ma dama fi musallah Allahumma salli alayhi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Et lorsqu'il prie, les anges ne cessent de prier sur lui, c'est-à-dire d'invoquer pour lui, tant qu'il reste dans l'endroit où il a prié, en disant: oh Allah, prie sur lui, oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. وَمَا يَزَالُ فِي الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ مَنْتَذَرَ الصَّلَاةِ. Et il cesse d'être en salat tant qu'il attend la salat. C'est-à-dire, tant qu'il attend la salat obligatoire, il est considéré en salat. فَاللَّهُ زَوْجَلْ يَرْفَعَ الْعَبْدِ بِهَذَا الْعَمَلِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظِيمَةِ. Donc Allah Zawajal, il élève en degré par cet acte d'adoration. وَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Donc ça, ça se rapproche de la ayah que j'ai citée avant. Les croyants ne sont que ceux, innama yufid al-hasr, c'est-à-dire les croyants ne sont que ceux, c'est-à-dire les vrais croyants, ne sont que ceux qui, lorsque Allah est évoqué, leur cœur tremble. Leur cœur tremble. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ. Ça, c'est al-iman al-kamil. La foi complète, c'est par ça. Lorsque Allah est évoqué, leur cœur tremble. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsque ces versets leur sont récités, ça les augmente en foi. La foi, elle augmente, elle diminue. هَذَا مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ. الْإِيمَانِ اِعْتِقَادُ وَقَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. Donc, Ahl al-Sunnah, la qawl de la foi, c'est que c'est une croyance, une parole et des actes. Et elle augmente par l'obéissance, elle diminue par la désobéissance. Zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Et qui placent leur confiance uniquement en Allah. Uniquement en Allah. Yani, taqdim al-maf'ul al-fa'il, al-ma'mul al-amil, yufid al-hasr. Donc, ala rabbihim yatawakkalun, la yatawakkalun illa ala rabbihim. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux qui accomplissent la salat et ils donnent en aumône ce que nous leur avons attribué. أولئك هم المؤمنون حقا. Allah عز وجل يؤكد إنما المؤمنون. أولئك هم المؤمنون حقا. Ceux-là sont les vrais croyants. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Ils auront des degrés auprès de leur Seigneur et un pardon et une énorme et une noble subsistance. Naam. Fa bihadi sifat al-mu'min Allah yarfa'u. Donc par ces caractéristiques, Allah Zawajal élève le croyant. Donc par sa piété dans son cœur et par ses actes, par le fait qu'il accomplisse sa salat et le fait qu'il il fasse, c'est-à-dire il place sa confiance entièrement en Allah, ça c'est un acte du cœur, et l'acte des membres comme la salah et le fait de donner. Donc Allah Azza wa Jal élève les croyants qui font ça selon leur degré dans les actes. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa likullin darajatun 'inda rabbihim, et à chacun des degrés auprès de leur Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit en citant les prophètes, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'd darajat wa rafa'a ba'dahum darajat. Voici ce sont les messagers que nous avons préféré à d'autres. Nous avons préféré des messagers à d'autres. Parmi eux, il y en a à qui Allah a parlé. Donc Allah Azzawajal a honoré plus celui à qui il a parlé. Et il a élevé certains d'entre eux en degré, plus que d'autres. Donc les croyants, ils sont pas au même niveau. Selon leur foi, les fois elles sont différentes et les actes ils sont différents. Wa ja'a قال معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc معدان, il dit qu'il a rencontré Thauban, le Mawla du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire son esclave affranchi. Donc ça également parmi les causes d'élévation, que c'était un esclave et qu'Allah عز وجل en a fait un compagnon. Il est rentré dans l'islam, il a été affranchi par le prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est parmi les meilleurs de cette communauté, un compagnon. لقيت ثوبان فقلت له أخبرني عن عمل يدخلني الله الجنة. informe-moi d'un acte par lequel Allah me fera rentrer au paradis. Adal hirs ala al-khayr. Les salafs, ils aimaient, ils faisaient attention à tout ce qui les rapproche d'Allah et qui les écarte de l'enfer, qui les rapproche du paradis, qui les écarte de l'enfer. Donc il a interrogé sur ça. Awqal, yani Sheikh Karawi, aw bi ahabbi al-a'mal ila Allah. Ou pour un des rapporteurs, il a un doute, par la plus aimée des actes auprès d'Allah Azza wa Jalla. Fasakat, il s'est tué Thawban. Il lui a demandé trois fois. Faqal, sa'altu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa'altu an dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal. Donc j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la même chose et il a dit alayka bi kathrati as-sujud. Attache-toi à te prosterner beaucoup, à faire beaucoup de salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta 'anka biha khati'a. Car tu ne feras pas une prosternation sans qu'Allah t'élève d'un degré par ça et t'enlève un péché. Le hadith est sahih. Wa jaa fi sahihayn kadhalik min hadith Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu an min al-mubashirin bil janna fi hadith maradihi fi Makkah fi hajjat al-wada', lorsqu'il était malade là de hajjat al-wada' et qui craignait de mourir à Mecca alors que c'était un muhajir. Prophète Hassan lui a dit innaka lam tukhallaf fa ta'mal 'amalan salihan illa izdadatta bidhalik biha aw bihi darajatan wa rif'a. Tu ne feras pas un acte pieux sans que ça t'augmente en élévation et en degré. Allahumma thumma da'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ashabi wa hadha muhim urid an adhkura wa in kana la ta'alluq bil mawdu'. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. وفي صلى الله عليه وسلم قال ensuite oh Allah fais perdurer à mes compagnons leur hijra et ne les fais pas retourner sur leur pas. ولكن البائس سعد بن خولة. Puis il a dit mais le pauvre c'est سعد بن خولة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم était triste qu'il soit mort à Mecca après en avoir la hijra, après avoir émigré de Mecca. Wallahu musta'an. Donc Sa'd ibn Abi Waqqas, il avait peur de mourir à Mecca de la même façon alors que c'était un muhajir. Wallahu musta'an. Min asbab al-rif'a wal-'izza at-tawadhu'. Wa hadha muhim. An Abi Hurayra fi Muslim. Akhraja Muslim an Abi Hurayra anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: "Man naqasat sadaqatun min mal" وما رفع الله رجلا بعز وما زاد الله رجلا بعز الا وما زاد الله رجلا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. Donc dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucune aumône n'a diminué un bien, c'est-à-dire l'argent n'est pas diminué par une aumône, n'a jamais été diminué par une aumône, car Allah il augmente ce bien. Et Allah n'a pas augmenté une personne qui pardonne que en puissance et en gloire et en puissance, en izz. C'est-à-dire, c'est pas une humiliation de pardonner, c'est pas un avilissement de pardonner. Et nul ne s'est humilié, n'a été humble pour Allah sans qu'Allah l'élève. C'est-à-dire que dans la tête de beaucoup, être humble, ça peut être perçu comme une humiliation. Mais celui qui s'humilie pour Allah Azza wa Jal, Allah l'élève. Et ça, c'est parmi wa min sifat al-ulama min ulama as-sunnah kama huwa mashhur hada. Kullu man sahaba al-ulama yara hada. Yani parmi les caractéristiques des savants de la sunnah, c'est l'humilité. Tout savant de la sunnah, vous voyez de lui quand vous l'accompagnez, vous voyez l'humilité. Wallahu musta'an. Et Allah Azza wa Jal l'élève par ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus humble des gens. Et Allah l'a élevé et on a fait l'a fait connaître dans le monde entier. Wa fi Muslim kadhalik min hadith Iyad ibn Himar anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala yani qama khatiban fa qala inna Allah uha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Donc il a sermonné les compagnons et il leur a dit Allah m'a révélé que vous soyez humbles afin que nul ne soit orgueilleux envers un autre et que nul ne fasse d'injustice à un autre. فهذا التواضع رفعة في الدنيا والآخرة. وكذلك من أسباب الرفعة والعزة العلم. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Donc, oh, vous qui croyez, lorsqu'on vous dit faites place dans les assises, faites place. Allah vous fera de la place. Et lorsqu'on vous dit levez-vous, levez-vous, Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu la science en degré. Et Allah est connaisseur de ce que vous faites, est parfaitement informé de ce que vous faites. Fa alladhina amanu indahum 'izza wa rif'a 'ama. والذين أوتوا العلم عندهم عزة ورفعة خاصة. Donc ceux qui croient, de façon générale, ils ont tous une part de grandeur du fait que c'est des croyants. Ils ont une part de grandeur du fait qu'ils ont suivi la religion d'Allah, Azzawajal. Allah leur donne cette عزة, comme on a vu avant. وللمؤمنين. إن العزة لله وللرسول وللمؤمنين. La عزة est pour les croyants aussi. Et ceux qui croient, ceux qui ont reçu la science, selon la science qu'ils ont, également ils ont une gloire et une puissance particulière. نعم. وقال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Et c'est l'argument que nous avons donné à Ibrahim contre son peuple. Nous élevons qui nous voulons en degré. Nous élevons qui nous voulons et ton Seigneur est sage et savant. Donc regardez, Allah عز وجل a fini la aya en parlant de sa science. Et il a parlé de l'élévation d'Ibrahim par rapport à la hujja qu'il lui a donnée, c'est-à-dire la science. Et au sujet de Youssouf, narfa'u darajatin man nasha, après que Allah Azzawajal lui ait permis de reprendre son frère dans la caravane, en rusant pour récupérer selon la loi du roi de l'époque, qal narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nous élevons qui nous voulons, et au-dessus de chaque savant, au-dessus de chaque personne qui a de la science, il y a un savant. Donc au-dessus de chaque savant, il y a quelqu'un de plus savant que lui, jusqu'à ce que ça aille jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit Al-Khadir à Moussa, lorsque il a vu un oiseau qui prenait des gouttes de la mer, il a dit « Ta science et ma science sont par rapport à la science d'Allah que comme les gouttes que cet oiseau picore. » Subhanallah. وجاء في مسلم من حديث يعني جاء نافع بن عبد الحارث que نافع بن عبد الحارث est venu ولقيا عمر بعصفان الوارث لا يثبت من اسماء الله سبحانه وتعالى d'accord il s'appelle نافع ابن عبد الوارث ابن عبد الحارث pardon et الحارث il n'y a pas de preuve authentique que c'est un nom parmi les noms d'Allah. فلقي عمر بعصفان. Il a rencontré Omar à Osfan, qui est un endroit entre Mecca et Medina. وقد استعمله عمر على أهل مكة. Et Omar, il l'avait placé, donc c'était pendant son califat, il avait placé Nafir ibn Abd al-Harith en tant qu'amir à Mecca. فقال من استخلفت على أهل الوادي. Qui t'a laissé derrière toi? قال ابن أبزة. Il a dit ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة. Et qui est ابن أبزة? قال مولا من موالينا. Il a dit un esclave affranchi parmi nos esclaves affranchis. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولا. Est-ce que tu as laissé à leur tête un esclave affranchi? فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. Il a dit ô Amir al-Mu'minin, il récite le Coran, c'est-à-dire حافظ. حافظ بالعمل. Il agit et il connaît le Coran, il connaît la science qui en découle. Et il est connaisseur des règles de l'héritage. Et ça, chez les salafs, certains, ils en faisaient une chose qui précède Talab al-Ilm. C'est-à-dire, avant de commencer Talab al-Ilm, avant d'accepter l'élève, ils lui disaient, est-ce que tu as appris le Coran? Va apprendre le Coran. Est-ce que tu as appris l'héritage? Va apprendre les règles de l'héritage. Et après, il venait et il prenait le hadith de ce cheikh. Donc, il a dit ça à Omar. Faqal à Omar, « Ama » إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. Il a dit, eh bien, votre prophète a certes dit, Allah élèvera par ce livre des gens et il en avilira d'autres. Donc, cet esclave affranchi, il a été élevé par le livre d'Allah, Azzawajal. Et d'autres, min al-kuffar ou al-munafiqin, yani adallahum Allah bi hadha al-kitab. Et d'autres, Allah Azzawajal, il l'a humilié par ce livre. Et parmi également les choses de rifa qu'on peut citer, que l'islam donc a été est venu chez les Arabes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un arabe, et ça a été eux qui ont été appelés en premier, et l'islam ensuite s'est propagé, comme on a cité avant. Et parmi les auteurs des simères qu'on appelle al-Ummahat al-Sitt, al-Bukhari wa Muslim, wa Abu Daoud, al-Tirmidhi, al-Nasai, wa Ibn Majah, tous sont des noms arabes. Ajab. Donc Allah Azzawajal les a élevés par l'islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble de vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Wa laysa lil unsuriyya. La unsuriyya fi l'islam. Il n'y a pas de racisme en islam et il n'y a pas de mérite de l'un envers l'autre, si ce n'est par ceux qu'Allah Azzawajal a placé comme différenciation entre les gens, c'est-à-dire dans la foi et les œuvres. وجاء في الصحيح كذلك عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. Lorsque meurt la personne, toutes ses œuvres s'arrêtent sauf trois: une aumône qui perdure, une science dont on profite et un fils pieux qui invoque pour lui. وجاء كذلك في حديث يقال لصاحب القرآن في الجنة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. On dira à, donc c'est dans le Sahih ou dans, pardon, dans les Mursunan, que on dira à celui qui a appris le Coran, on dira au paradis, récite psalmodie, récite et grimpe les degrés et ta place sera à la dernière aya que tu récites. Fa Allah Zawjal yarfa'uhu bi al-ilm. Allah l'élèvera par cette science. Également, parmi ce qu'on peut citer comme cause d'élévation, al-balaya, les épreuves et les calamités qui touchent le croyant. Fa jaa fi sahih Muslim an Aisha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ma min shawkatin aw ma min muslim يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة. Il n'y a pas un musulman qui soit touché par une épine, c'est-à-dire qui marche sur une épine par exemple et que ça lui perce le pied ou autre, sans que Allah Azza wa Jal l'élève d'un degré et lui efface un péché. فهذا نعمة ويقول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Et il se peut que vous détestiez une chose et c'est un bien pour vous. C'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal, wa in ta'uddu ni'mat Allah ila tuhsuha. Et si vous vouliez compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. C'est un bienfait d'Allah que les choses qui obligatoirement touchent l'être humain, il n'y a pas un être humain sans qu'il soit touché par la calamité, et les prophètes eux-mêmes ont été touchés, donc ceux en dehors d'eux, sans que ça soit pour lui une cause de pardon et d'élévation auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa ja'a fi sunan al-Tirmidhi min hadith Sa'd ibn Abi Waqqas أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ Qui sont les gens les plus éprouvés؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Il a dit les prophètes puis ceux qui leur ressemblent le plus. Et comme ça on s'écarte en deux. Plus la personne elle est écartée des prophètes, moins il sera éprouvé. Donc les prophètes sont les gens qui sont les plus éprouvés. قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الرجل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. Donc il a dit, la personne, elle est éprouvée selon sa foi, selon sa religion. Si dans sa religion, il y a de la fermeté, alors son épreuve, elle sera dure. Et s'il y a de la souplesse, il n'est pas assez ferme dans sa religion, Allah Azzawajal va l'éprouver selon sa fermeté dans la religion. C'est-à-dire il va lui faire une épreuve qui est moins forte. Donc ça montre clairement, ce hadith, c'est un dalil sur le fait que c'est pas parce que la personne est éprouvée que ça montre que sa foi, elle est pas forte, ou etc. Ou ça montre pas non plus, il faut pas regarder que, par exemple, un kafir, s'il a pas d'épreuve, que vous désirez pas avoir d'épreuve comme lui. C'est normal. C'est normal parce que shaitan, adalla. Kama, nadkur fil ilm, anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fi kitab il karim, wa tulu alayhim, نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Et cite-leur l'exemple. Donc là, Allah Azzawajal dit cite-leur. Donc comme il disait Soufiane tout à l'heure, lorsque Allah Azzawajal il parle et il s'adresse, c'est important de faire attention. Cite-leur l'histoire de celui à qui on avait donné nos signes, c'est-à-dire il était savant. Et qui s'en écarta, qui s'en détourna et qui suivit le diable. Et il fut parmi les égarés. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par eux. Par ces signes, par ces enseignements, par la science, on l'aurait élevé. Donc ça c'est la preuve que la science c'est parmi les causes d'élevation. Si on avait voulu, on l'aurait élevé par eux. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Mais il voulut demeurer sur la terre et il suivit sa passion. Donc son exemple est à l'exemple du chien. Allah Azzawajal, il a montré un exemple fort et méprisant. C'est comme un chien. Si tu l'attaques, il allait, et si tu le laisses, il allait. Dalika. Voilà l'exemple de gens qui ont mécru dans nos signes. Donc cite l'histoire afin qu'ils se rappellent. Bi'sa mathalan al-qawmul ladina kaddabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadrimun. Quel mauvais exemple que les gens qui ont démenti nos signes et qui étaient injustes envers eux-mêmes. Et on finit sur, parmi les causes d'élevation, Maja'a fi Sunan ibn Maja'a wa Sahahu Sheikh al-Albani, al-Imam al-Muhaddith al-Albani, rahimahullah, min hadith Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna al-rajula la turfa'u darajatuhu fi al-Jannah, fayaqulu anna hadha, fayuqal l'istighfar waladika lak. Donc dans Sunan ibn Majah, hadith ibn Abi Hurayra radiyallahu anhu, et Cheikh al-Albani il l'a authentifié, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme au paradis il sera élevé en degré, et il dira d'où ça me vient, pourquoi je suis élevé en degré, et on lui dira par le fait que ton enfant a demandé pardon pour toi. Wa hada yakun bit tarbiyah al-islamiyya wa bi al-hath حث الأولاد على محبة الدين والسنة والإسلام وأن يعرف أن الله عز وجل قد أعزه بالإسلام ولا يحتقر الإسلام خصوصا في هذا البلد. Donc ça, ces choses là ça vient avec une éducation islamique et d'inciter les enfants à aimer l'islam, à être fiers de leur prophète, de leur livre, comme Soufiane a cité les Fawaïd, et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas mépriser ça, mais il doit être fier d'être musulman, et Allah Azza wa Jalla l'a élevé par ça. Wa nasallallahu an yanfa'ana bima qulna wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala nabiyyi wa alhamdulillahi rabbil alamin.